بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: المجلس الثالث في ذكر فصل الشتاء. Donc le troisième مجلس sur concernant les saisons sur la saison de l'hiver. قال خرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشتاء ربيع المؤمن وخرجه البيهقي وغيره. هذا الحديث فيه ضعف إلى الثبل الإمام الألباني وغيره إلى ضعف الشتاء ربيع المؤمن أي l'hiver c'est le printemps du croyant. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وزاد فيه أي البيهقي رحمه الله طال ليله فقام طال ليله فقام أي ليالي الشتاء أي les nuits d'hiver elles sont longues donc le مؤمن il en profite pour faire الصلاة وقصر نهاره فصام et les journées sont très très courtes donc ce مؤمن il en profite. سيأتي معنا حديث الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة c'est un حديث حسن. Donc là, chakana, ashita, l'hiver, cette saison, elle est très très profitable pour al-mu'min. Vous avez remarqué que le mu'min en hiver, il est moins insouciant. En général, on fait plus d'efforts dans l'ilm. Mais en été, en général, on sort un peu plus. Et c'est plus difficile de faire certaines choses à cause de la chaleur. Et les nuits, elles sont très très courtes. Si l'insan, il ne se repose pas, il peut très vite être fatigué. Contrairement à l'hiver. فلهذا قال الإمام ابن رجب رحمه الله إنما كان الشتاء ربيع المؤمن مع أن الحديث il est faible, on répète, لكن لا بس le sens comme il va démontrer الإمام ابن رجب رحمه الله tu peux profiter beaucoup de choses. قال لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات. صحيح, c'est plus propice à l'عبادة, c'est beaucoup plus facile de faire des efforts durant l'hiver. قال ويسرح في ميادين العبادات وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه كما ترتع البهائم في مرعى الربيع. Comme les animaux, ils profitent beaucoup au printemps, comme on a vu dans notre درس précédent. فهكذا المؤمن, لكن avec une condition, المؤمن الحريص على الخير, المؤمن qui fait des efforts pour faire du bien. المؤمن qui n'est pas insouciant, المؤمن qui a comme objectif, on le rappelle, l'au-delà, il en profite. Comme l'animal, il profite quand il trouve de la nourriture, ou les animaux féroces, ils trouvent des proies. هكذا المؤمن, il en profite, c'est une force عظيمة l'hiver. قال فتسمن وتصلح أجسادها فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطعام. Comme les animaux, ils prennent du poids durant la période du printemps, فهكذا المؤمن, il fait beaucoup d'efforts pour gagner des bonnes actions durant l'hiver. قال فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطر. C'est pour ça que هذه العبادة العظيمة, le fait de jeûner durant l'hiver, c'est très très simple. Les journées sont très très courtes. ولله الحمد, il ne fait pas chaud. Et خاصةً celui qui prend un sahour juste avant al-fajr et prend un sahour équilibré là, ça va lui profiter. Là, il y a chour bil jour. Le repas normalement qu'il prend à l'heure du dhuhr, à midi, à 13h, s'il prend un bon sahour, ce repas il est décalé. Et là, t'as chour, et à 17h ou 18h, tu manges. قال فإن نهاره قصير بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام. وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. هذا الحديث بعض العلماء اللي حسن ومنهم الإمام الألباني. الصيام في الشتاء, le fait de jeûner durant l'hiver, c'est الغنيمة الباردة. الغنيمة, c'est le butin. C'est un butin accessible, très très facile à prendre. C'est pour ça que المؤمن, on le répète, par rapport aux endroits, par rapport aux périodes, par rapport aux occasions, يستفيد. Comme on a vu par rapport aux 10 jours de Dhul-Hijjah, comme on a vu par rapport à Arafat, comme on a vu durant le mois de Ramadan, je parle dans ce livre. Comme on l'a vu dans le dars précédent, le printemps, il a akhiré, fahakada, à ce moment. Hatta, comme on l'a vu dans le dars précédent, quand l'insan il mange, quand l'insan il rentre au hammam, quand l'insan il se lave, al-mu'min, lakin, on répète celui qui a un cœur qui réfléchit et qui n'est pas dans l'insouciance. Il essaie de profiter de fawa'id. Fahada, ça y est, c'est affiché. En hiver, cette période de quelques mois, il en profite pour assiya. Il jeûne le lundi et le jeudi. Ou il jeûne à kalshay. Tout ce qu'on va citer, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de jeûner Ramadan. Lakin, on rappelle, c'est des fouras. Celui qui peut jeûner le lundi et le jeudi, voilà où cette période, c'est 2 mois, c'est 3 mois, c'est 4 mois. Celui qui ne peut pas, khasatan, s'il est occupé par autre chose, et as-siyam, ça l'affaiblit, comme s'il travaille, comme s'il yatlub l'ilm, ou autre, muhim, chacun connaît sa situation, voilà où 3 jours par mois. Voilà où 3 jours par mois. Si on jeûne maintenant 3 jours au mois de novembre, 3 jours au mois de décembre, 3 jours au mois de janvier, 3 jours au mois de février. On a cité ces mois, l'hiver, ça tombe toujours dans ces mois. Le calendrier de l'Égypte, Obama, là, chaque année, ça dépend. Ça dépend des années. À chaque fois, ce n'est pas les mêmes mois. Fahada. Thumma qal, rahimahullah. Al-qiyamu fi layl al-shita yashuqqu ala an-nufus min wajhayn. كذلك on rappelle comme قال هنا ان l'hiver, كذلك les nuits elles sont longues. Donc tu as beaucoup de temps pour faire qiyam al-layl. Amma fi as-sayf, c'est plus compliqué, surtout pour celui qui travaille. S'il travaille tôt, probablement il doit dormir ou la chèque. Et vu que l'Isha dans certains pays il est très très tard et le Fajr il est très très tôt, ça laisse beaucoup moins de temps pour faire le qiyam. Même dans ce cas, on doit s'efforcer. Voilà ou quelques raka'at, voilà ou quelques minutes. Fiha khayr azim. Lakin fi shita, en hiver, la nuit elle est très très longue. Matalan, celui qui a peur de ne pas se réveiller, ou l'imam Nourajab, il va citer certaines choses qui nous repousse, ahyanan, on n'arrive pas à faire qiyam layl à cause de certaines causes. Lakin, celui qui fait au début de la nuit en hiver, alhamdulillah. En hiver, il fait nuit, on va dire, l'Isha dans certains endroits, on va qadar, il est à 19h. Voilà où tu commences à 21h, à 22h, alhamdulillah. Tu peux faire le qiyam et dormir très très tôt. Fa'ala kulli hal, huna qala le qiyam fi layl, fi layal al-shita, yashuq ala an-nufus min wajhayn. Lakin, il y a 2 choses qui nous repoussent. Une de ces choses, قال احدهما من جهه تالم النفس بالقيام من الفراش في شده البرد. Il y a ces obstacles, c'est pour ça que même dans ce cas tu dois combattre ton nefs. لان افضل القيام c'est à la fin de la nuit. لان الله سبحانه وتعالى ينزل في اخر ثلث الليل. Donc le meilleur qiyam c'est avant le fajr. Lakin vu que quand il fait froid, surtout dans certains endroits il n'y a pas de chauffage, etc., c'est assez difficile. La deuxième cause, c'est le fait de faire ses ablutions en pleine nuit, après s'être levé, il fait très très froid, c'est difficile. Lakin, on vit dans une période où, walillahi alhamd, et beaucoup de frères et sœurs, ils vivent dans des pays, ils ont l'eau chaude et ils ont le chauffage. C'est une ni'ma min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala que ha'oula, ils n'avaient pas. Oula, c'était des obstacles très très difficiles pour eux à surmonter. C'est pas tout le monde qui peut chauffer l'eau. C'est pas tout le monde qui a de l'eau chaude. Et inda kathir minna, c'est devenu des choses normales. Aina shukr. Malgré ces choses, est-ce qu'on fait plus d'efforts que Salaf faisait qui n'avait pas tous ses bienfaits, l'eau chaude? Bien sûr, certains d'entre eux, ils chauffaient l'eau chaude, mais ce n'est pas comme nous. Chauffer l'eau, ça demande du temps, surtout quand il fait froid en pleine nuit. Mais nous, tu te lèves, l'eau elle est chaude, tu n'as rien à faire. Est-ce que malgré cela, on fait plus d'efforts que Abedan? Abedan. C'est quoi la différence? C'est confort, ça t'aide, lakin, si tu fais des efforts. La preuve, c'est celui qui fait des efforts, même s'il n'a pas ce confort, mais idnillahi azza wa jal, il arrivera. Falihada, as-salaf kanu yajtahidun fi qiyam al-layl. Donc, on ne doit pas oublier ash-shukr, c'est ni'am. L'électricité, l'eau chaude, le chauffage, pour nous c'est devenu normal. Alors que jusqu'à aujourd'hui, dans certains pays, ils n'ont pas هذه النعم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. Et كذلك إسباغ الوضوء, le fait de parfaire ses ablutions. عند المكاره أو على المكاره مثلا quand il fait froid et l'eau elle est froide, هذا من اسباب تكفير الذنوب. الله سبحانه وتعالى اللي فاس لي بيشي اللي ليف الانسان اون دوغري، يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. ثم قال رحمه الله: واما من يجد البرد وهم عامة الخلق فانه يشرع لهم دفع اذاه بما يدفعه من لباس وغيره. وهذا تقدم انسان لو ريبيت سي نعمه ان مع هذا ان سيت بيريود il fait froid. وكذلك on peut le citer pour la période de l'été durant les fortes chaleurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité des choses, surtout à notre période. Alors, en plein été, dans beaucoup d'endroits, ils ne ressentent même plus la chaleur. Ils ont la climatisation, ils ont de l'eau fraîche, ils peuvent se laver quand ils veulent. Et kadhalik, en hiver, quand il fait extrêmement froid, dans certains pays, dans les maisons, alhamdulillah, tu ne ressens aucun froid. Fahadihi, c'est une ni'ma. qu'on ne doit pas oublier. ثم قال رحمه الله ومن فضائل الشتاء انه يذكر بزمهرير جهنم ويوجب الاستعاذة منها. Et كذلك هذا il a cité comme فضائل ان le froid extrême durant l'hiver c'est un rappel. لماذا؟ لان الله عز وجل قال متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que ces deux choses, Ash-Shams, et Ash-Shams, que Fid-Dunya, si tu es exposé au soleil, ça peut te brûler, ça peut te faire du mal. Waz-Zamharir, c'est le froid extrême. Enfin, Al-Mu'min, Fil-Jannah, il sera préservé de ces deux choses. Ça nous montre quoi? Que Fid-Dunya, quand il fait froid, ta'ammal hada. Ta'ammal anna fi an-nar, certains ils seront châtiés par le froid extrême. Et que d'ailleurs, fait des efforts pour faire partie de Ahl al-Jannah qui ne seront plus exposés aux fortes chaleurs ou au froid extrême. ثم قال رحمه الله مجلس. فبهذا on a fini les mois et on a fini كذلك هذه الفصول هذه نعم المجالس في الفصول concernant les saisons. واستفدنا ولله الحمد. ثم قال رحمه الله مجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها والتوبة وظيفة العمر وهي خاتمة مجالس الكتاب. Il a cité pour finir ce livre, et ce livre on le répète, il traite sur les mois de l'année, sur les saisons et sur la durée de vie de l'être humain. فلهذا رحمه الله il a conclu هذا الكتاب avec un chapitre sur التوبة, sur le repentir. لماذا؟ لأن l'être humain il doit tout faire pour mourir à la tawbah. لماذا؟ لأن le repentir c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il efface les péchés de l'abd. فلهذا on doit s'efforcer, s'habituer à faire tawbah hatta on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi at-tawbah al-'azima. C'est pour ça que comme l'être humain il doit essayer de finir sa vie avec tawbah, enfin ce livre il l'a conclu avec le chapitre du repentir. رحمه الله. قال خرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا الحديث تقدم معنا dans l'explication de رياض الصالحين باب التوبة إلى حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن أن الله سبحانه وتعالى il accepte pas le repentir du عبد à ce moment. فلابد من التوبة avant ce moment. الغرغرة. قال رحمه الله دل هذا الحديث على قبول توبة الله عز وجل لعبده ما دامت روحه في جسده لم تبلغ الحلقوم والتراقي. نعم. avant que l'âme elle s'apprête à sortir. أما à ce moment عند الغرغرة le repentir n'est plus accepté. ثم قال والمراد بالتوبة عند الموت أي قوله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن. قال رحمه الله والمراد بالتوبة عند الموت التوبة عند انكشاف الغطاء. أي لماذا التوبة لا plus acceptée à ce moment et quand la personne elle agonise, quand l'âme elle va sortir, لماذا؟ لأنه ينكشف الغطاء, لأن le voile se lève. ثم قال ومعاينة المحتضر أمور الآخرة لأن celui qui est en train d'agoniser, en train de mourir, il voit des choses que nous ne voit plus et il est en train de basculer dans l'autre monde. قال ومشاهدة الملائكة, il voit les anges. فإن الإيمان والتوبة والسائر الأعمال إنما تنفع بالغيب. الدليل أن المحتضر أو المحتضر, celui qui meurt, celui qui agonise, أنه il voit des choses qu'on voit pas. أن النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن الإنسان quand son âme, son corps, son âme elle quitte son corps, il suit avec son regard l'âme. هذا ça nous montre أن cette période et même avant, عند الغرغرة quand il agonise, التوبة elle est plus acceptée. قال فإن الإيمان والتوبة وسائر الأعمال إنما تنفع بالغيب. تأمل هذا أن toutes tes œuvres et التوبة ça fait partie des œuvres, des adorations, elles ne sont acceptées que بالإيمان بالغيب, qu'avec la foi en l'invisible. Vu qu'à ce moment cet être humain n'est plus considéré par cela, l'imam Al-Yanaoui il commence à basculer dans l'au-delà et il voit des choses, sa tauba elle est plus acceptée. Sa tauba elle est plus acceptée. قال فإذا كشف الغطاء وصار الغيب شهادة لم ينفع الإيمان ولا التوبة في تلك الحال. même l'Iman, celui qui veut se convertir à ce moment, accepter l'islam, c'est trop tard. عند الغرغرة. لماذا؟ لأن الغيب c'est devenu شهادة. l'invisible pour lui c'est devenu le visible. ثم قال رحمه الله واعلم أن الإنسان ما دام يؤمل الحياة فإنه لا يقطع أمله من الدنيا وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرها. celui qui est accroché à dunya et celui qui ne pense plus à la mort, bel il a des projets et كأن la mort elle ne peut pas l'atteindre tout de suite. بعض الناس ils pensent que la mort c'est que pour les vieux et c'est que pour les autres. هذا ça les pousse à s'écarter de tauba et هذا ça les pousse à ne pas œuvrer. قال عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرها ويرجيه الشيطان التوبة في آخر عمره. Et هذه c'est une مصيبة. الشيطان il fait croire à cet être humain أنه il a le temps. Tu es encore jeune, profite. Tu viens de te marier, profite. Tu es encore dans ta jeunesse, la fleur de l'âge comme يقولون. Tu as plein de choses à faire. عند بعض الناس la religion c'est devenu secondaire. بل عند البعض للأسف la religion c'est pour les vieux ou c'est pour ceux qui n'ont rien à faire. نعوذ بالله. On répète le verset وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال فإذا تيقن الموت وأيس من الحياة أفاق من سكرته بشهوات الدنيا فندم حينئذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه. لكن في هذا الحال si c'est à la fin de la vie, après ça dépend si c'est avant le gharghara, après le gharghara par rapport à la tauba, لكن هذا الاستيقاظ, le fait de se réveiller, si ça arrive à la fin de la vie ou à cause d'une maladie grave, هذا bien sûr ça peut être profitable dans certains cas, bien sûr avant l'agonie, avant la mort c'est profitable, لكن si on a ce réveil durant notre jeunesse, si on a notre réveil aujourd'hui, on peut mourir demain. Anna, on n'est pas à l'abri. Anna, un jour, on aura des comptes à rendre. Ça sera très, très profitable. Les SF, Bardenès, ils ouvrent les yeux à la fin quand ils ne peuvent plus faire grand-chose. Et là, chaque homme, s'ils ouvrent les yeux, ben, si leur cœur, il accepte la vérité à ce moment, alhamdoulilah, si c'est avant, bien sûr, comme on vient de citer, Al-Gharghara, avant l'agonie, c'est profitable, bien sûr. Là, il est encore plus profitable au départ. L'imad à se priver. قال rahimahullah, وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمل صالحا فلا يجاب إلى شيء من ذلك فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت. أما ceux qui n'ont pas œuvré et ils ont attendu le dernier moment, بل بعضهم ils ont rien fait في هذه الدنيا حال الكفار et ils espéreront revenir après leur mort, فهؤلاء ils seront touchés par la mort, سكرة الموت مع حسرة الفوت, et كذلك ils regretteront أن الفرصة, l'occasion pour œuvrer, elle est passée, c'est fini. Les portes, elles se sont refermées. Tu ne peux plus ouvrir ces portes. Celui qui quitte ce bas monde, il ne reviendra jamais dans ce bas monde. أبداً. قال وقد حذر الله تعالى عباده من ذلك في كتابه ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح. قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Ça c'est حال ceux qui n'ont pas fait d'effort et qui regretteront يوم القيامة. قال عز وجل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. N'oublie jamais, أنه ça vient très très vite. بعض الناس يpense que c'est encore loin le jour du jugement, j'ai encore le temps. Tu n'as pas le temps. لأن من مات قامت قيامته. Celui qui meurt, pour lui, l'au-delà ça commence. Il aura des comptes à rendre dans sa tombe, les questions. Il m'a le châtiment, il m'a les délices de la tombe. Il a arrêté. Donc ça peut venir très très vite. Celui qui meurt maintenant aujourd'hui, très très vite. Très très vite, il sera dans sa tombe et ça commencera. فلهذا قال عز وجل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. Et avant que le châtiment il vous arrive soudainement. وأنتم لا تشعرون. Tu ne t'y attends même pas. Comme les gens, ils sont le matin avec leur famille, dans leur travail. Ils mangent, ils boivent, ils profitent. Le soir même, ils sont dans leur tombe. Allahu a'lam bihalihim. Avec leur situation propre. Allahu a'lam. Chacun sa situation. Le croyant, il profitera et le kafir, il se fera châtier. Comme les gens, ils ont rejoint leur tombe. Ils étaient très très jeunes. La tombe, c'est pas que pour les vieux. Abadan. Encore plus à notre époque où la mort, elle touche beaucoup de monde. ثم قال رحمه الله الناس في التوبة على أقسام. Et il a cité plusieurs أقسام. Aïe, les gens par rapport à la tauba, ils sont de plusieurs catégories. قال فمنهم من لا يوفق لتوبة نصوح بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره إلى آخره حتى يموت مصرا عليها وهذه حالة الأشقياء. Ça c'est le cas le plus critique, na'oudhu billah. أن هؤلاء, cette catégorie, ils ne font pas de tauba. Mais toute leur vie c'est dans la mécréance. Il a arrêté, ils vivent sur la mécréance, ils meurent sur la mécréance. ثم قال وأقبح من ذلك من يسر له في أول عمره عمل الطاعات ثم ختم له بعمل سيء حتى مات عليه كما في الحديث الصحيح إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Et ce cas il est très très grave. لماذا؟ لأنه pourquoi الإمام ابن رجب رحمه الله قال وأقبح et encore plus grave que le premier cas. Et ça fait partie du premier cas. Alors, ils ont connu la vérité. Ils faisaient des bonnes œuvres, ثم ils ont délaissé cela. Et عياذا بالله, il meurt sur عمل أهل النار, sur les œuvres des gens de l'enfer. La première question qu'on peut se poser, لماذا ils ont délaissé? Dans une autre riwaya qu'on a vue dans l'explication de شرح الأربعين النووية de ce hadith, dans une riwaya que الحافظ ابن رجب رحمه الله il a cité في جامع العلوم والحكم, يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. C'est pour ça que c'est les pires. Annahu, il faisait ses œuvres de bien, les gens du paradis, que pour que les autres, ils le voient. Falihada, ce genre de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les guide pas et il meurt en faisant les actes des gens de l'enfer. Wa amma, celui qui œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il a des faiblesses, même s'il a des manquements, même s'il est démotivé ahyanan, Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim, il est ghafour, il est shakur. Naam, hada c'est un tambir. ثم قال ما أصعب الانتقال من البصر إلى العمى وما أصعب منه الضلال بعد الهدى. لو واحد il a la vue ثم il devient aveugle, c'est très très difficile. فما بالك celui qui avait la guidée ou qui faisait des œuvres des gens de la guidée ثم عياذا بالله أنه il bascule في حال الكافرين. ثم قال رحمه الله وقسم يفنى عمره في الغفلة والبطالة ثم يوفق لعمل الصالح فيموت عليه. هؤلاء ils sont sauvés. أنهم une grande partie de leur vie ils sont virefla dans l'insouciance, ils font des péchés et l'akhir, ثم ils font des bonnes actions avant de mourir. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال إنما الأعمال بالخواتيم وقال وإذا أراد الله بعبده خيرا عسله قال وما عسله قال وما عسله قال يوفقه لعمل الصالح ثم يقبضه عليه. Ça c'est من رحمة الله. أن الله سبحانه وتعالى s'il veut du bien pour une personne, il lui facilite de faire des bonnes œuvres avant de mourir. ثم quand il fait ses bonnes œuvres, il meurt. Ça nous montre ماذا? Ça nous montre que la mort c'est pas forcément un mal. Pour بعض الناس c'est un bien. S'ils faisaient du bien, ils sont morts. فالحمد لله. أنهم ils sont morts على هذا الخير. ثم قال رحمه الله: وبقي ها هنا قسم آخر، لتخوازم القسم، وهو أشرف الأقسام وأرفعها، وهو من يفني عمره في الطاعة ثم ينبأ على قرب الأجل وليجد في التزود ويتهيأ للرحيل بعمل يصلح للقاء ويكون خاتمة للعمل. هذا c'est le meilleur قسم, c'est la meilleure catégorie. Ils ont fait des bonnes actions durant leur vie et ils meurent sur ces bonnes actions. ثم قال رحمه الله: قال بعض السلف: أصبح تائبين وأمس تائبين. يشير إلى أن المؤمن لا ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة. هذه سي نصيحة جميلة. أصبح تائبين وأمس تائبين. هاي لو ماتن في التوبة لسواق في التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. et dans une رواية 100 مرة. 100 fois par jour. لماذا؟ لأن celui qui meurt على التوبة الله سبحانه وتعالى il lui pardonne. Alors on doit s'habituer à ça et on ne sait pas quand. Est-ce qu'on va finir cette journée? Est-ce que demain on sera là? Est-ce que l'année prochaine on sera là? Allahu a'lam. فالإنسان يكثر من التوبة. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala التواب القبول. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite de faire توبة et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte sa توبة. Comme on a vu dans l'explication du nom التواب. قال فإنه لا يدري متى يفجأه الموت. يفجأه الموت صباحا أو مساء. On ne sait pas. Est-ce que ça va être le matin? Est-ce que ça va être le soir? On a une certitude et on est tous d'accord, c'est qu'on va tous mourir. Vu qu'on est tous d'accord qu'on va tous mourir, et on ne sait pas le moment exact, et ça c'est min hikmatillahi azza wa jalla, pourquoi on ne connaît pas le moment de notre mort? C'est pour qu'on fasse des efforts à chaque instant, hatta le jour où ça vient, si ça vient aujourd'hui, demain, dans 1 an, dans 10 ans, tu es prêt. Ça ne veut pas dire que le musulman il n'a pas de faiblesse, il n'a pas de manquement. Là, mais si on est sincère, on a cela comme un objectif, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite, bi idhnillahi azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime at-tawwabin. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahirin. Et il facilitera ce abd de mourir quand il fera une bonne action et quand il se sera repenti. قال لأنه يخشى أن قال فمن أصبح وأمسى وأمسى على غير توبة فهو على خطر. Celui qui ne fait pas tawba, il est à la khatar, il est en danger. L'imam al-Yanahu, il n'est pas prêt. C'est comme celui qui veut faire une chose fitounia, il n'est pas prêt. Ça peut être quelque chose de dangereux. Mathalan wahed, il a un rendez-vous au tribunal, il ne se prépare pas. Ni défense, wala shay. Il a un rendez-vous muhim, mais il ne se prépare pas, il peut se faire accuser. Il est à la khatar, azim. Fakif, celui qui sait qu'il mourra, qui sait qu'il aura des comptes à rendre, il ne se prépare pas. لا شك أنه إلى خط إلى على خطر. قال لأنه يخشى أن يلقى الله غير تائب فيحشر في زمرة الظالمين. قال الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تأمل هذا الفقه وهذا العلم. Celui qui ne fait pas توبة il peut rejoindre les injustes, الظالمون. ثم استدل بقوله: ومن لم يتب, ceux qui ne se repentent pas, فأولئك هم الظالمون. C'est eux les injustes. ثم bien sûr ça a des degrés différents. Celui qui ne fait pas tawba des péchés, c'est pas comme celui qui ne fait pas tawba de la mécréance. Al-dhulm, anwa', il y a un dhulm qui est par rapport au péché, il y a un dhulm, c'est de la mécréance, al-shirk. Lakin ala kulli hal, c'est très très dangereux pour l'être humain. ثم قال رحمه الله: وينبغي لمن عاد مريضا ان يذكره التوبه والاستغفار فلا احسن من ختام العمل بالتوبه والاستغفار. Encore plus quand on est dans cette situation. La maladie ou la vieillesse, fal insan yukthir min at-tawba wal istighfar. Ça veut pas dire que les jeunes ils ne font pas comme taqaddam, la. Fa in kana al-amal sayyan kana kaffaratan lah wa in kana hasanan kana kat-tabi alayh. Hada at-tawba wal istighfar, si al-insan il a eu beaucoup de manquements, il a fait des péchés, fal hamdoulillah, c'est une cause pour que Allah lui pardonne. Et si il suivait le droit chemin et il faisait des bonnes actions, fa kama qal kat-tabi alayh. C'est comme pour clôturer hadhihi al-a'mal. Ces œuvres du bien, il les termine, il les conclut avec des œuvres de bien. C'est que du bien. قال وفي حديث سيد الاستغفار المخرج في الصحاح, نعم في صحيح البخاري, ان من قاله اذا اصبح واذا امسى ثم مات من يومه او ليلته كان من اهل الجنه. هذا الدعاء, Hada du'a, celui qui prend l'habitude de le dire le matin et le soir, il fait partie des invocations du matin et du soir, c'est Sayyidu l'istighfar. Sayyidu l'istighfar. On peut lire le hadith, hadith Shaddad ibn Aws, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidu l'istighfar. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé Sayyidu l'istighfar. Hada du'a, istighfar wa tawba. C'est une demande de pardon et le repentir. Et c'est Sayyid. Sayyid, c'est le prince, c'est le roi. Et c'est le meilleur des adhkar, des ad'iyaf et l'istighfar. Oh, ça fait partie des meilleurs. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an yaqul al-abd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata't. Andurou, avant de faire le dua, at-tawassul bi al-rububiyya. Wabil-uluhiyya. Su'abd, il reconnaît que Allah c'est le créateur. Il reconnaît que c'est Allah qui mérite l'adoration. La ilaha illa ant. Il reconnaît annahu sa'abd. أي يسمع الله سبحانه وتعالى ثم يدمون أعوذ بك من شر ما صنعت. Comme on a cité hier, on remet pas toujours la faute sur les autres. Tout ce qui nous arrive en général, ça vient de nous. فلهذا العبد tous les matins et tous les soirs, il demande à Allah سبحانه وتعالى qu'il le préserve de ses mauvaises actions. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي. كذلك il reconnaît toutes les ni'am que Allah lui a donné, la guidée, la bonne santé, cet argent, ses enfants, il a arrêté tout ça, c'est min ni'amillah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa abu'u laka bi dhanbi. كذلك il reconnaît ses péchés. C'est pour ça qu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Faghfir li dhunubi. Andurou, après cette reconnaissance, hada tawassul, thumma cette reconnaissance, il demande la demande. Ça c'est min al-adab fi du'a. C'est pour ça min al-adab fi du'a, ne pas demander directement, là c'était des choses avant, reconnaître sa faiblesse. ثم قال فاغفر لي ذنبي أو ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أي pardonne-moi, personne ne pardonne les péchés sauf toi. Celui qui dit cela, قال النبي صلى الله عليه وسلم, من قالها من نهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. لكن تأمل, ne pas la dire فقط avec la langue. من قالها من النهار موقنا بها. موقنا, ça vient de اليقين, et la certitude, bien sûr. Pour avoir la certitude, il faut comprendre ce qu'on dit. Il faut être sûr. Falihada, étudier ce genre de adhkar, c'est min al-muhim pour al-muslim. Enfin, celui qui dit cela, ce dhikr, le matin, et il est sûr, enfin, il fait partie des gens du paradis. Ou hagada, celui qui le dit le soir, il est sûr, et il meurt, s'il meurt dans cette journée ou dans cette nuit, il fera partie des gens du paradis. Hada, c'est un mithal, tayyib. Thumma qal, rahimahullah, التوبة التوبة قبل أن يصل إليكم من الموت النوبة فيحصل المفرط على الندم والخيبة. ثم إلى conclu هذا الكتاب الجميل بهذه النصيحة التوبة. On doit tous faire التوبة avant que la mort elle vienne, avant les regrets. أحيانا في الدنيا tu ne fais pas une chose alors que tu pouvais la faire, ثم cette chose son temps y passe, tu ne peux plus. Tu voulais acheter quelque chose, tu voulais faire quelque chose, tu voulais... Mouhim, c'est fini, tu ne peux plus. Ahyanan, tu es touché, on est des êtres humains, tu regrettes. Lakin, alhamdulillah, on dit qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, et ça passe. Lakin, al-akhira, celui qui ne fait pas de tawbah, celui qui ne fait pas des efforts, celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec autre que la foi, qu'est-ce qu'il va dire? Combien de regrets? Hatta fi dunya, si tu es touché par une chose, prison, ou injustice, ou une maladie, ou une douleur, ou autre, ça passera. Celui qui est en prison, il sortira. Celui qui est malade, il guérira, ou il mourra. S'il meurt, ala al-khayr, alhamdulillah, ça s'arrêtera. Al-muhim, fi dunya, tout s'arrête. C'est pour ça qu'il y a l'espoir. Amma fi l'akhira, comme on a déjà cité plusieurs fois, pour al-kuffar, pour les mécréants qui meurent, sur la mécréance, la notion d'espoir, ça n'existe plus. La notion de patience, ça n'existe plus. La notion de profiter, de prendre du bon temps, les délices, tout ça, ça n'existe plus. Ils auront qu'une chose, c'est l'adab, fawq l'adab. Châtiment et un châtiment encore plus dur. Nas'alullah min fadlihi, azza wa jal. Qala al-inabata qabla ghalqi bab al-ijaba. Kadhalik hadhihi at-tawba, c'est pas toujours. On a déjà vu, on a parmi les conditions, on vient d'en citer une ensemble. Avant le ghargara et kadalik, avant la fin des temps. L'insan, il doit se précipiter, ne pas repousser. Qala faqad qaruba waqt al-faqa ma ahsan qalaq at-tawwab wa ma ahla qudum al-ghuyyab وما أجمل وقوفهم بالباب. ثم قال: من نزل به الشيب فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهور حملها. ثم إلى سيتي سيت إكزامبل pour montrer أن arriver à un moment donné dans ta vie, tu dois te réveiller encore plus pour celui qui ne s'est pas réveillé. C'est pour ça qu'il a comparé celui, man nazala bihi shayb, celui qui commence à avoir des cheveux blancs, en général, bien sûr, à partir d'un certain âge, matalan, ceux que ça arrive à partir de 50, 60. Fafi hadha al-hal, qala fahuwa bimanzilati al-hamil. C'est comme une femme enceinte. Pourquoi cette comparaison avec la femme enceinte? قال التي تمت شهور حملها فما تنتظر إلا الولادة. La femme enceinte arrivée au bout du 7e, du 8e mois, encore plus du 9e mois, elle attend qu'une chose, elle pense qu'à une chose, c'est l'accouchement. Pour se soulager, il a akhiré. Pour voir cet enfant. فهكذا المؤمن arrive à un certain âge. Les rides, ils apparaissent, les cheveux blancs, ils apparaissent. L'insan, il commence à avoir 50, 60, 70. Espérer quoi? Espérer quoi في هذا الحال من هذه الدنيا؟ بل المؤمن se prépare بما هو أعظم وأنفع, quelque chose de plus profitable. ثم قال كذلك صاحب الشيب لا ينتظر غير الموت فقبيح منه الإصرار على الذنب. C'est pour ça que في هذا الحال pour le vieillard, pour la personne qui a atteint un certain âge, vu que il a atteint cet âge, في حقه les péchés c'est قبيح encore plus qu'un jeune. Le jeune, il est encore touché par une certaine fougue, par certaines choses qui ne lui autorisent pas de faire des péchés. Lakin fi haqq al-kabir as-sin, encore plus grave. Thumma qala rahimahullah walakin tawbat ash-shab ahsan wa afdal. Thumma huna ila nabba' ala ash-shabab, ne pas comprendre que at-tawba c'est que pour les vieux, vu qu'ils ont ils vont bientôt mourir. Awalan, la mort c'est pas que pour les vieux. Et kadhalik huna qala at-tawba توبه الشاب احسن وافضل, le repentir du jeune il est encore meilleur. Pourquoi? قال في حديث مرفوع خرجه ابن ابي شيبه ان الله يحب الشاب التائب. Ce hadith il est ضعيف, ضعفه الامام الالباني في الضعيفه, اي ان الله سبحانه وتعالى il aime le repentir du jeune. الله سبحانه وتعالى يحب التوابين, que ce soit les jeunes ou les vieux. اما هذا الحديث il est ضعيف. قال عمير بن هاني تقول التوبه للشاب اهلا ومرحبا وتقول للشيخ نقبلك على ما كان منك. هذا الكلام il est جميل. لماذا؟ لأن le vieux كأنه il a plus le choix. Il a plus le choix, il est bientôt arrivé à la fin, fa il fait tawba, fa هذا الإمام قال التوبة l'accepte comme il est. أما le jeune, vu qu'il a beaucoup plus de tentations, ربما il a encore besoin de travailler, il a encore besoin de se marier, il a besoin de beaucoup de choses, il a tenté beaucoup de choses, encore plus à notre époque. Fa s'il fait tawba alors qu'il est jeune, هذه c'est une alama khair. هكذا pour le vieux, ça ne veut pas dire que la tawba du vieux elle est pas acceptée ou elle est pas profitable. ابدا, لكن فقط pour montrer la valeur. فلهذا il a cité هذا الكلام. ثم نختم بقوله رحمه الله قال كان بعض الصالحين يقول ان الملوك اذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق ابرار وانت يا خالق اولى بذا كراما وقد شبت في الرق فاعتقني من النار. سان بيت جميل او سي دو ابيات جميله جدا. اي الملوك les rois quand ils à l'époque quand ils avaient des esclaves, leurs esclaves quand ils vieillissaient, ils les affranchissaient. لماذا؟ لان cet esclave il est devenu vieux, il ne peut plus faire grand chose, enfin il l'affranchissait et cet esclave il devenait libre. ثم الشاعر قال وانت يا خالق اولى بذا كرما. Et ya Allah, toi qui as fait de moi un esclave, قد شبت في الرق فاعتقني من النار. Et Anna, je suis ton esclave et j'ai atteint cet âge, affranchis-moi de l'enfer. ثم قال أيها العاصي ما يقطع من صلاحك الطمع ما نصبنا اليوم أو ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع إذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة قالت لك ملائكة الرحمة مرحبا وأهلا. أي سي tu décides de faire التوبه après avoir lu هذا الكلام الجميل et après avoir étudié tous ces chapitres. في الحقيقة on a étudié notre vie du début à la fin, tous ces mois, toutes ces saisons, toutes ces années. فsi tu décides de faire التوبه فتقول ملائكة الرحمة مرحبا وأهلا. لا شك أن عباد الله الصالحون والملائكة ils aiment ceux qui font le repentir. Bel Allah subhanahu wa ta'ala yuhib at-tawabin. Fa in qala laka rufaqa'uk fil ma'siya halumma ilayna qul lahum kalla. Lakin, et hada c'est un tanbih jamil, anna si tu décides de faire at-tawba, tu trouveras toujours des shayatin min al-ins ou al-jin, que ce soit des djinns ou des êtres humains, qui essayeront de t'écarter de tawba et qui t'appelleront à eux. Halum. Halum ilayna. Allez, viens à nous. Allez, tu feras tawba plus tard. Viens, on sort. Viens, on profite. Ila akhir. Faqul lahum kalla. Fais attention. Fais attention. Si tu ressens ce besoin et cette envie de faire tawba, de ne pas écouter al-ashrar, les mauvaises personnes. Qala dhaka khamrul hawa alladhi atumuh qad istahala khalan. Naam. Aïe. Hada. Ha'oula, ils sont comme ivres. Cette dunya les a rendus ivres. Ils pensent qu'à leur shahawat, ils pensent qu'aux passions, et ils ont oublié l'essentiel. Qala yaman sawwada kitabahu bis-sayyi'at qad ana laka bit-tawbati an tamhu. Thumma hadhihi an-nasiha. Chacun de nous, on a une part de hada. Yaman sawwada kitabahu. Ce kitab que les anges, tous les jours, à chaque instant, tout ce qu'on fait, ils écrivent. Est-ce qu'il est rempli de hasanat ou de sayyat? Si on réfléchit et on s'aperçoit que ce livre, il est rempli de péchés, ben, il y a un temps, walillahi alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une occasion pour que tout ça soit effacé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne. Qala ya sakran al-qalb bish-shahawat, ama ana li fu'adik an yas'u. Thumma hadhihi an-nasiha pour ceux qui sont comme ivres. Ils sont comme ivres à cause de cette dunya, à cause de ces passions. Ka'annahum, et sahih, tu leur parles, c'est comme si tu parles à quelqu'un qui n'a pas la raison ou quelqu'un qui a bu. Ka'annahum, ils sont pas conscients. Falihada qala huna yasakran al-qalb. Le cœur, iyadun billah, il peut tomber ivre. Il peut devenir ivre. Yasakran al-qalb bish-shahawat. C'est quoi qui rend ivre le cœur? C'est ash-shahawat, c'est les passions. Comme l'alcool, elle rend ivre le corps. Enfin, le cœur, il peut devenir na'am. Il peut devenir ivre avec al-shahawat. Qala ama an li fuadika an yasfu. Est-ce que le temps il n'est pas venu pour que ce cœur il sorte de cette ivresse et commence à réfléchir? Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuthabbitana 'ala al-haq hatta nalqah wa nas'aluhu 'azza wa jalla an yarhamana jami'an wa an yarham al-imam al-hafiz ibn Rajab rahimahullah ta'ala faqad ahsana wa ajad avec l'écriture de ce livre, La Ta'if al-Ma'arif. On conseille nos frères de lire ce genre de livre. Voilà, en résumé, on a lu des parties de l'original. Il y a un résumé de ce livre, lakin, Allahu a'lam qui sait qu'il l'a écrit, et je ne l'ai pas, lakin, nous on a lu directement de l'original, et on a pris des passages. Et ce livre, il a tahqiq, il y a beaucoup de athar, beaucoup de ahadith, وبعض هذه الأحاديث والآثار ضعيفة. هكذا on essaiera de résumer d'autres livres. Le prochain livre qu'on essaiera de faire en résumé, ça sera روضة العقلاء de l'imam Ibn Hibban رحمه الله. C'est un kitab nafis جدا sur le bon comportement, et le faire complètement ça prendrait trop de temps. خاصةً on fait en arabe et en français, donc ça prendrait beaucoup de temps. Et le livre, il y a certains hadiths, certains athars, certains vers de poésie, fiha ma fiha. Donc on essaiera de lire l'essentiel, incha'Allah ta'ala. Amma aujourd'hui, falhamdulillah, on a fini le résumé de ce livre qu'on a commencé il y a quelques temps. Il y a peut-être un an et demi. On avait commencé avec Ramadan. Et le départ, c'était que la lecture du mois de... C'est pour ça qu'on a commencé par le mois de Ramadan. On n'avait pas commencé par le début. L'intention au départ, c'était que résumer le chapitre de Ramadan. Thumma walillahi alhamd, on avait décidé de continuer. On avait repris à chaque mois de l'année qu'on passait, on traitait le sujet du mois qu'on vivait. مثلا quand on était au mois de Rabi', on faisait Rabi' al-awwal, thumma Raja', thumma quand on était Muharram, on a fait Muharram, alhamdulillah. Jusqu'à quand aujourd'hui on a fini avec Dhul-Hijjah walillahi alhamd. Et naktafi bihadha al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.